les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. La distinction suprême au XVIIIe siècle en France, être au courant de. Peu importe si l'information est vraie ou fausse, ce qu'il faut, c'est savoir, ou faire semblant de savoir. Dans les archives, dans les liasses d'archives, se trouve ce que cherche l'historien, l'historienne, une familiarité ou un éloignement, une proximité. Et il s'agit alors de faire l'histoire. En l'occurrence, l'objet d'étude d'Arlette Farge au début des années 90 était ce qui ne se manie pas facilement, l'opinion publique. Mais existait-il une opinion publique au XVIIIe siècle? La royauté n'aimait certes pas le populaire, mais avait peur d'être impopulaire. Du jour au lendemain, Alain Weinstein recevait Arlette Farge le 27 février 1992 sur France Culture. Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. C'est un rêve, bien sûr, mais c'est aussi une conviction. Approcher les lieux où la parole sur des affaires du temps s'est dite, retenir les avis qui ont couru les rues, fonde un espace formant intrigue. Du jour au lendemain avec Arlette Farge, qui publie « Dire et mal dire, l'opinion publique au XVIIIe siècle » aux éditions du Seuil. Arlette Farge, directeur de recherche au CNRS, collabore à Libération pour rendre compte des livres, d'histoire. De temps en temps à France Culture encore? Oui, de temps en temps, Puis pas régulièrement. Sur les lundis de l'histoire. Lundis de l'histoire, mais ça passe très tôt, à 9h05. Oui. Oui, évidemment, je dors à cette heure-là. Et puis aussi, évidemment, vous publiez des livres. Oui, de temps en temps. Alors, il y a eu La vie fragile, dont le sous-titre était « Violence, pouvoir et solidarité à Paris au XVIIIe siècle », déjà, chez Hachette, et ce livre est réédité ces jours-ci en collection de poche, en point histoire, donc on peut peut-être en dire un mot. De quoi s'agissait-il, Arlette? Mais il s'agissait déjà d'un travail fait à partir des archives judiciaires, c'est-à-dire à partir des plaintes et des procès-verbaux de police. Et puis là, j'avais particulièrement travaillé sur les rapports masculins-féminins à l'intérieur des quartiers de Paris au XVIIIe siècle. Et puis j'avais aussi travaillé sur la vie des ateliers, les conflits dans les ateliers, la vie entre les maîtres et les compagnons, les conflits entre les maîtres, les femmes du maître... et puis tous les apprentis, et aussi j'avais travaillé sur les grandes manifestations de foule, soit les cérémonies, les fêtes, soit les révoltes. Mais c'était déjà un livre comme ce que j'aime faire en fait, un livre fait à partir des interrogatoires de police pour retrouver la vie des gens qui n'ont pas laissé d'autres traces que celle-là, que celle d'être passé devant un commissaire de police ou devant un juge. Donc retrouver aussi les rythmes du quotidien. Oui, je crois que c'est au fond retrouver ce qui ne fait jamais partie de l'histoire, en tout cas dans les livres de classe, ni même de l'historiographie, c'est-à-dire retrouver des paroles, retrouver des mouvements, retrouver des comportements, mais surtout, parce que ça c'est encore assez exotique, et puis on peut faire la description assez exotique des gens, des exclus, des gens du peuple, mais vous voulez aussi derrière les comportements retrouver des formes de pensée. C'est de la nouvelle histoire alors ça ? Bon, la nouvelle histoire, vous savez, elle est vieille. Je crois qu'elle est vieille, elle s'appelle Nouvelle Histoire, ça doit faire maintenant, je sais pas, 20 ans. Je crois que c'est même pas de la nouvelle histoire, c'est... Parce qu'à l'heure actuelle, l'histoire est quand même très, très émiettée, elle a pas tellement de courant très fort. C'est une histoire parmi les autres, je crois. Dans l'introduction de La vie fragile, Arlette Farge, vous écriviez « L'historien est pris de sources originales, entretient avec l'archive un rapport de fascination ». Et cette fascination pour l'archive, on la retrouve dans un autre livre qui a été publié au Seuil en 89, dans la collection La Librairie du XXe siècle, où paraît aujourd'hui Dire et mal dire. C'est un livre sur l'archive, précisément, qui s'intitule Le goût de l'archive. Oui, dans ce livre, j'aurais voulu expliquer ou mettre à plat, de façon à la fois un peu humoristique dans certaines parties, ou de façon plus sérieuse, plus consciencieuse dans d'autres, la relation qu'un historien ou une historienne peut entretenir avec des sources comme celle-là, qui sont des sources d'abord énormes, très abondantes, et puis qui effectivement entretiennent un rapport particulier avec celui qui les lit, parce que elles sont émouvantes au premier abord. Et je sais qu'il faut bien se méfier de l'émotion, mais aussi je trouve que c'est très intéressant de pouvoir la ressentir et puis fabriquer quelque chose avec qui soit pas mièvre, qui soit le plus rigoureux et le plus intelligent possible, et que peut-être c'est un rêve, mais peut-être c'est vrai, on peut allier rigueur et émotion, et c'est ce que j'avais voulu dire dans ce livre. Et puis j'avais voulu expliquer aussi comment on travaille, c'est-à-dire dépoussiérer l'image de celui qui travaille dans les archives et qui serait revêtu de la même poussière que celle des archives, et de montrer que on pouvait d'abord vivre normalement et vivre dans les bibliothèques, et puis aussi être toujours plongé dans le 18e siècle, ça vous donnait pas particulièrement une tête du 18e, et que vous pouvez être de plein pied dans le 20e. Et bon, j'avais eu envie de le dire. On rapproche souvent l'archive de la poussière, évidemment, oui. C'est-à-dire du néant, c'est-à-dire du non-être, et en fait, vous avez montré dans ce livre qu'il y avait deux lettres enfouies là-dedans. Oui, parce que l'archive, c'est toujours la ruine, le passé, quelque chose qui déteindrait sur celui qui le lirait, et il finirait par devenir désuet comme l'étaient les archives. Alors d'abord, les archives, elles sont pas désuètes, et puis c'est très sensuel d'avoir une liasse d'archives devant soi, où on retrouve la vie de gens totalement anonymes, qui disent des tas de choses dans tous les sens, qui ont des tas d'échos en vous. Quelquefois c'est de l'éloignement, quelquefois c'est de la familiarité, quelquefois c'est du dépaysement, quelquefois c'est de la proximité. Et puis d'essayer avec tout ça de faire de l'histoire, parce qu'il ne s'agit pas de faire des romans avec, mais de faire de l'histoire. Vous prenez votre pied avec une liasse d'archives. Bah oui, je me demande maintenant si c'est normal, parce que tout le monde me pose la question. Je prends mon pied d'une certaine façon, et quand j'ai écrit un livre, après ça me manque d'y retourner. J'aime bien retourner aux archives. Pourtant, c'est pas une atmosphère tellement follement drôle, mais c'est quand même une atmosphère, c'est vrai, assez sérieuse. Mais c'est aussi un lieu secret. Alors c'est pas désagréable. On va rappeler encore, Arlette Farge, que vous avez collaboré à l'Histoire des femmes, publiée chez Plomb sous la direction de Georges Duby et Michel Perrault, en particulier en vous intéressant au tome 3, c'est-à-dire au tome qui couvre la période 16e-18e. Oui, ça c'est un autre champ de recherche que j'ai depuis longtemps, qui est comment travailler en histoire, non pas tant la condition féminine, parce que ça c'était ce qu'on pouvait faire déjà il y a 10 ans, mais affiner la question et travailler sur la différence des sexes et sur les relations entre le monde masculin et le monde féminin, puis faire en sorte que ça, ce soit normal de travailler là-dessus. C'est-à-dire que la discipline historique est quand même assez conservatrice et qui a pas tellement de femmes historiennes par rapport au nombre d'hommes historiens, puissent prendre en compte ce problème-là et travailler ces objets à travers ce regard-là. Et donc, effectivement, avec toute une équipe, on a fait cette histoire des femmes. Et dans cette période à laquelle vous êtes intéressée, donc 16e, 18e, la femme est très présente sur la scène sociale ? Oui, elle est très présente, elle est très active, elle a des tas de formes de pouvoir qui étaient oubliées, ou tout du moins sur lesquelles on s'était jamais penché. Et en même temps, c'est l'histoire de grande rupture aussi, parce que entre 16e et 18e siècle, il y a à la fois la période de la querelle des femmes qui est très âpre, et puis il y a aussi les guerres de religion et des périodes d'émeutes et de subversions où elles sont très présentes. Mais il y a ce paradoxe, c'est qu'elles sont à la fois présentes sur la scène publique et dans le quotidien, elles en sont exclues. Alors c'était intéressant de travailler ce paradoxe et d'essayer de comprendre comment ça s'était passé et comment ça se passait dans les relations entre les hommes et les femmes, parce que je crois qu'il faut toujours tenir les deux bouts de la chaise, donc c'est pas tellement intéressant de raconter ce qu'elles faisaient si on ne le raconte pas face au monde masculin. Alors je l'ai sous les yeux, votre nouveau livre, Arlette Farge, son titre « Dire et mal dire », le sous-titre « L'opinion publique au XVIIIe siècle », voilà qui est bien dit. Et puis alors, l'éditeur c'est Le Seuil, la collection, la librairie du XXe siècle, que dirige Maurice Hollander. Alors j'ouvre le livre et en exergue, je tombe sur une phrase qui n'est pas une phrase d'historien, mais d'écrivain, Pascal Quignard. Et cette phrase, je la lis, « J'ai embelli ma vie de jours que je n'ai pas vécu. » C'est dans quoi cette phrase ? C'est dans Albutius. Oui, cette phrase, quand je l'ai lue, parce que au milieu de tout ce travail, j'ai lu ce livre de Pascal Quignard, j'ai su que c'était une phrase importante pour moi. Et alors que j'ai jamais eu envie de mettre de phrase en exergue, un livre, ni même de le dédier, je sais pas, elle m'a paru évidente et très forte. Peut-être à cause du rapport que j'entretiens entre le passé et le présent. Et que, effectivement, de vivre à travers les archives, c'est comme si ça me donnait du temps en plus, des jours en plus. Et puis des jours, non pas que je raconte que des choses heureuses, puisque travaillant sur les gens, sur les exclus ou les gens du peuple, c'est souvent plutôt du tragique ou du désespéré, mais que de pouvoir les faire surgir à la mémoire, pour moi, c'est embellir ma vie, effectivement. Effectivement, ce sont des jours que je n'ai pas vécu. Mais je crois aussi que mettre en exergue la phrase d'un écrivain, c'était aussi, peut-être plus inconsciemment, plus secrètement, dire un peu le rapport que j'aimerais entretenir avec l'écriture. En tout cas, que des gens comme eux, des écrivains comme eux, comme Pascal Quignard ou comme d'autres, sont des gens qui sont sur ma route et qui, dans mon travail, servent à je ne sais quoi, mais qui, dans une espèce d'alchimie, sont extrêmement importants. Et c'était peut-être aussi une façon de le dire moins consciente. Mais finalement, maintenant, quand j'ouvre le livre et puis que je vois cette phrase, je me dis que j'ai envie de dire merci, en somme, aux écrivains d'accompagner comme ça la route d'un historien. Et c'est vrai qu'il y a un historien dans l'écrivain Pascal Quignard, de la même manière qu'il y a un écrivain chez l'historienne que vous êtes, Arlette Farge. Parce que c'est pas du tout... On sent bien qu'il y a un souci d'écriture. Hein. Un peu comme quand on lisait Michel Foucault, par exemple, avec qui vous avez travaillé. Oui, c'est drôle, parce que quand vous avez dit il y a un écrivain, j'ai tout de suite pensé à lui. Oui, parce que pour moi, s'il y a de l'histoire, s'il y a un récit historique et s'il y a quelque chose à dire de cet ordre du passé, il est extrêmement important qu'il y ait une écriture qui porte et qui soit tellement nouée aux événements racontés qu'ils soient indissociables. Et pour moi, c'est vrai que l'écriture est très importante. Mais en même temps, je ne m'en rends pas bien compte. Enfin, vous me le dites et je le prends. Ça saute aux yeux quand on vous lit. Mais en même temps, je ne pourrais pas bien faire autrement. Mais je crois aussi que c'est en travaillant ou en parlant beaucoup avec Michel Foucault, c'était devenu aussi quelque chose d'extrêmement fort, parce que lui, il avait un style très fort. Je crois que c'est pas tant écrire que d'avoir un style qui soit profond, fort. Oui. Et pour moi, c'est la condition pour qu'un livre ne me tombe pas des mains. Alors, vous ne choisissez pas la facilité parce que vous êtes historienne cherchant à écrire, en tout cas soucieuse de la langue. Et puis, en même temps, vous choisissez comme objet, il faut bien le dire, un objet qui ne se manie pas facilement, comme vous le remarquez dans votre introduction, l'opinion publique. Oui. Oui, c'est vrai, parce que d'abord, l'opinion publique, au XVIIIe siècle, c'est totalement anachronique. Parce qu'au fond, on peut se demander tout de suite, est-ce qu'il y a une opinion publique au XVIIIe siècle, alors que l'opinion publique, c'est quelque chose qui est lié à la démocratie. Donc, dont on peut parler éventuellement après 1789. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de démocratie. Eh ben non, au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de démocratie, et justement, les sujets du roi n'étaient pas des sujets politiques. Donc, c'était une espèce de défi que j'avais comme ça en tête depuis longtemps, me dire, c'est pas possible qu'on ait dit que c'était le siècle des Lumières, que tant de philosophes aient écrit dessus, qu'on ait dit qu'il y ait une opinion éclairée, en effet une opinion publique éclairée, et puis que finalement, le 14 juillet 89, des gens aient fait la révolution. Il faut bien qu'ils aient pensé quelque chose avant. On va quand même pas prendre la Bastille comme ça, pour des prunes, sans avoir jamais rien pensé de quoi que ce soit du régime qui était là. Est-ce qu'il y avait des sondages à l'époque? Mais il ne pouvait pas y avoir de sondage parce que la monarchie entretenait une curieuse relation avec l'opinion. C'est-à-dire qu'à la fois, on pourchassait complètement les paroles des gens dans les cafés, dans les cabarets, et ce sont sur ces rapports d'inspecteurs de police que j'ai pu travailler, justement. Et en même temps, on interdisait cette parole, et en même temps, on pensait qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait aucune importance, et on ne cessait de s'en préoccuper. Ça, c'est quelque chose qui ressemble un tout petit peu à maintenant, de ne cesser de s'en préoccuper, mais elle n'est pas interdite maintenant. Tandis que là, on pouvait faire 10 ans ou 3 mois de Bastille pour avoir tenu des mauvais propos, comme on disait à l'époque, sur le roi ou sur l'État. Alors je me disais bien qu'un jour, à force d'aller dans les archives, je retrouverais ces propos, que je retrouverais. C'était pas possible qu'on pouvait pas toujours savoir comment ils s'étaient habillés, comment ils avaient mangé, les gens du 18e, comment ils avaient aimé, sans savoir comment ils avaient pensé. C'était impossible. Et je me suis dit qu'un jour, ça arriverait. Puis un jour, j'ai trouvé les rapports de police. J'ai pu essayer de faire ce travail. Oui, trouver les pensées et les arrière-pensées, surtout. Oui, quelquefois, c'est pas des arrière-pensées. Quelquefois, c'est des injures tout nettes. Et c'est donc des pensées à l'état brut, des injures contre le roi. Mais aussi, ce sont toutes les ruses d'une population pour essayer d'avoir le plus d'informations possible. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe, c'est que la monarchie tient un secret. Et elle tient à ce secret. Et au fond, la population, elle fait des pieds et des mains, si j'ose dire. C'est-à-dire, elle va partout, elle court partout pour détenir le plus d'informations possible. Et le matin, elle va aller dans certains endroits de Paris pour connaître les nouvelles. Et puis, des nouvelles qui seront démenties le soir. Elle va vivre constamment avec une espèce d'avidité, d'une très grande curiosité pour qu'on lui dise des choses sur l'événement. Et forcément, en entendant ces choses sur l'événement, elle pense dessus. Si vous avez pu vous engager dans l'aventure de ce livre, Arlette Farge, Dire et mal dire, c'est aussi parce que d'autres avaient travaillé avant, avaient déjà commencé à explorer ce terrain, et en particulier Habermas. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment... Je suis partie de lui. En somme, parce que lui avait extrêmement bien travaillé tout ce qui concernait l'espace public bourgeois, justement, et l'opinion publique des philosophes et des gens éclairés, et il avait posé en axiome que effectivement, on avait déjà essayé d'arracher le secret au roi dans les couches de la bourgeoisie, dans les couches des élites, et qu'il y avait déjà une chose publique qui était là entre le roi et sa population, et il avait terminé non pas son livre, mais en tout cas les présupposés dans son introduction de son livre en disant que de la sphère plébéienne, on ne savait rien et que de ces gens incultes qui avaient été très actifs au moment de la Révolution, on ne pouvait rien dire. Et sur cette phrase, j'ai essayé de partir et de me dire que peut-être les archives livreraient non plus le secret du roi, mais le secret de ces gens qui étaient là face au roi. Donc un espace public bourgeois et dans cet espace, une opinion éclairée qui n'a rien à voir avec l'opinion privée. C'est ça qui a été mis en avant. Qui n'a rien à voir, en même temps qu'il y a sûrement, qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui contrairement à ce qu'on croit, ne conduit pas l'opinion du peuple, mais qui a bien sûr des interférences et des interactions constantes avec elle. Mais donc je crois qu'il faut détruire cette pyramide où on dit entre le savant et le populaire, et ce serait le savant qui distillerait sa culture au populaire, parce que ça se passe dans des systèmes d'échange très bizarres, très originaux et constants, et ça se passe pas toujours du haut vers le bas, et ça peut très bien aussi se passer du bas vers le haut. D'ailleurs la monarchie est toujours atteinte par ce qui se passe en bas, et elle est toujours inquiète, elle n'aime pas le populaire, et en même temps elle a peur d'être impopulaire, et dans ce paradoxe elle joue gros, elle aussi, d'ailleurs elle a joué très gros. Il y a plusieurs sortes de sources qui contiennent les avis populaires. Oui, il y avait plusieurs sources. Il y avait d'abord tout bêtement les chroniqueurs de l'époque, les mémorialistes, ceux qui tenaient comme ça la plume et qui m'ont bien servi, qui raconte l'air du temps, en somme. Et puis, il y a aussi les sources qui sont plus particulièrement celles des archives de la Bastille, avec les détails sur les procès faits aux gens qui avaient parlé dans la rue ou dans les espaces publics. Et puis, il y a des sources intermédiaires qui sont les nouvelles à la main. Alors, ça, ce sont des sources très... C'est quoi, les nouvelles à la main? Les nouvelles à la main, c'est... Les nouvelles qu'on tient à la main sont, en fait, des gazettes manuscrites qui, la plupart du temps, viennent de l'étranger ou bien de l'intérieur de la France, et qui sont copiées en plusieurs exemplaires par des copistes et qui sont distribuées dans Paris pour donner les nouvelles que ne donnent pas les journalistes officiels, qui sont les journaux officiels, qui sont le Mercure de France à l'époque, qui ne disent rien, sur lequel on ne sait rien. Et ces nouvelles, elles sont très lacunaires, on en retrouve quand même très peu parce qu'elles ont été souvent détruites. Puis elles sont difficiles à comprendre parce qu'il faut être très très au courant de ce qui s'est passé au 18e. Je crois que ce serait comme si un historien... dans 100 ans ou dans 200 ans, prenez toutes les unes de Libé. Je sais pas s'ils les comprendraient toutes. Ben, les nouvelles à la main, elles sont faites de tout petits échos. Et je suis sûre que moi, il y en a beaucoup que j'ai pas compris. J'ai travaillé sur celles que je comprenais bien. Mais c'est ce style léger, rapide, lapidaire, déconstruit un peu de tout ce qui se passait à Paris, aussi bien chez les grands que dans les événements diplomatiques. Et ça, ce sont les nouvelles à la main. Mmh. Et là, il y a un marché en même temps. Il y a un marché économique parce qu'on vend ces nouvelles à la main, on abonne les gens aux nouvelles à la main, et puis en même temps on se concurrence. Et la police se méfie beaucoup de ces nouvelles, de ces nouvelles-là. Et les gens courent après ces nouvelles, ils en sont extrêmement friands parce que la distinction suprême, c'est être au courant d'eux. Au fond, peu importe que ce qui soit dit soit vrai soit faux, c'est surtout savoir. Et c'est savoir qui finalement aiguise, je crois, l'esprit public. C'est-à-dire ne pas être tenu dans l'ignorance. Voilà. Et ça, c'est une course contre la montre, carrément. Et vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas dépouillé les archives? Ah bah si, j'ai dépouillé les archives. Oui, moi, ça me faisait du bien aussi d'être sur des sources qui n'étaient pas des archives. J'ai dépouillé les archives en dernier terme de ce travail. Et ça, c'était les archives de la Bastille. Là, c'est plus triste, à vrai dire. Parce que ce sont des gens qui, pour avoir... je sais pas, pris position comme ça, se sont retrouvés enfermés pendant des périodes plus ou moins longues, et qui, pour occuper ces périodes, en plus, ont écrit. Ils ont écrit, ils ont travaillé, ils ont dessiné, ils ont même quelquefois écrit de la musique, ou ils ont écrit des petits traités de géométrie. Enfin, ils ont tout fait pour tuer l'ennui et retrouver leurs traces. C'était aussi très important parce que je pouvais baliser le siècle d'une inflation du mécontentement, mais de moments particuliers où les gens ont pris position sur des événements et où une espèce de parole publique s'est cristallisée. Alors évidemment, on ne va pas oublier que vous êtes directeur de recherche au CNRS, Arlette Farge. Donc, on va en conclure que votre livre est rigoureusement construit, s'articule en trois parties. La première partie s'intéresse au fonctionnement social et politique des témoins de cette parole populaire. Oui. Oui, ben c'est vrai que il fallait écrire un livre, bien aimer l'écrire, mais il fallait aussi être dans une discipline et être au plus sérieux de la discipline. Et bon, dans cette première partie, j'ai travaillé sur les témoins, c'est-à-dire sur les chroniqueurs et les mémorialistes, pour voir comment eux y parlaient du monde populaire, pour essayer de comprendre comment ils traitaient ce sujet-là. D'abord, ils en parlent beaucoup moins qu'ils ne parlent des grands ou de la cour ou du roi, qui est le personnage central vers lequel se tournent tous les regards. Et pour parler du peuple, ils n'en parlent que de deux façons. Ils sont en fait assez désarçonnés par lui. Et ils n'en parlent que de deux façons. Soit ils en parlent à travers des faits divers, à travers des choses absolument extraordinaires, des exploits, des gens qui sont montés en ballon ou des gens retrouvés coupés en morceaux, c'est une autre sorte d'exploit. Ou bien ils en parlent en groupe, ils parlent d'une foule de peuples, de la façon dont une foule se constitue, soit pour des cérémonies, soit devant les châtiments publics, devant les exécutions ou dans les émeutes. Mais jamais il n'est question de parler de ces groupes sociaux-là de façon intermédiaire. Jamais on ne peut les faire apparaître dans leur forme de loisir, comme le ferait de nos jours un sociologue. Donc c'est une espèce de relation très abrupte au monde populaire, soit en foule, donc qui fait peur, quelque chose qui vous dépasse, qui est là, qui est toujours instinctif et primitif, ou bien alors dans des situations qui sont toutes hors du commun. Donc c'est une vision très très exotique et dont on sent qu'ils ne peuvent pas faire une autre analyse parce qu'ils sont très loin de lui en même temps qu'ils en ont peur. Et je crois que c'est dans cette espèce de sentiment très curieux, qui est aussi de l'ignorance, qu'il s'exprime. Mmh. Alors j'ai essayé de l'expliquer. La deuxième partie, alors on va peut-être y venir plus en détail ensuite, elle examine, elle, les formes et les motifs de ce que vous appelez le mal-dire. Oui, parce qu'au fond, de quoi parlent-ils les gens de l'époque? De quoi se préoccupent-ils? Alors évidemment, il y a des choses tout à fait évidentes et triviales, mais il fallait bien les rappeler. C'est qu'ils parlent du prix du pain, ils parlent de la disette, ils parlent du temps aussi, ils parlent du malheur, de la misère, etc. Mais aussi, comme ils sont extrêmement, comment dire, attentifs à tous les événements, ils parlent de la guerre, et ils parlent aussi de la place de la France au milieu des autres nations, il parle des relations diplomatiques, et puis il parle de la grande scène qui est devant eux, c'est la scène du roi. Et il parle du roi. Il parle du roi, de la cour, des princes. D'ailleurs, le roi, la cour et les princes ne sont pas économes de leur présence. Ils viennent constamment à Paris, faire des entrées à Paris, venir pour faire des fêtes, pour les relevailles, pour au moment des naissances, les morts, etc. Il y a des tas de moments. Mais le peuple les regarde, et regarde le roi. Et finalement, lorsque le peuple est mécontent, il interprète les gestes du roi d'une façon, si vous voulez, c'est une grammaire pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui va être, on va regarder comment entre une nouvelle fois le roi à Paris. Et finalement, si on est en état de mécontentement, on va voir des tas de détails qui veulent bien dire qu'effectivement tout va mal. Le roi n'est pas entré comme il fallait, ou il n'a pas fait les gestes, ou il en a fait trop, ou il en a fait trop peu. Et on a une espèce de rapport qui est à la fois archaïque, et très moderne, c'est-à-dire que on lui demande à la fois d'avoir les bons vieux gestes de Louis XIV. Ah, le bon vieux Louis XIV, finalement, qu'on a tant détesté à la fin de sa vie. Ça serait bien qu'il y ait encore quelque chose de sa grandeur dans les gestes de Louis XV. Alors, on va demander à Louis XV d'être à la fois aussi archaïque que ne l'a été Louis XIV. Et on va lui demander aussi d'être très moderne. Et finalement, quand tout ira mal, on va tout lire dans cette espèce d'écran, qui n'est pas celui de la télévision, mais celui qu'on a sous les yeux, qui est toutes les manifestations royales lu à travers un esprit favorable ou défavorable à la royauté. Et puis aussi, je crois que les faits divers disent beaucoup de choses de la vie sociale de l'époque. C'est-à-dire que quand il se passe des événements très particuliers, je pense surtout par exemple aux événements jansénistes et tous les phénomènes de convulsion dans le cimetière de Saint-Médard dans les années 1728-1730, eh bien en fait, les faits divers qui vont être relevés et qui vont être les plus vendus, puisqu'on vend des faits divers comme ça à la une, comme les nouvelles à la main dans la rue, ce seront des faits divers qui disent quelque chose de ce qui se passe dans Paris. Et je crois que la lecture des faits divers est aussi très très intéressante pour voir quels sont les préoccupations d'une société sur ce qu'elle ne comprend pas bien. Ils sont très différents, les faits divers, à cette époque, de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ben, si vous voulez, ils sont plus impressionnants, plus violents, parce qu'on menait une vie plus violente, et que je crois qu'à l'heure actuelle, on trouve peut-être pas tant de gens découpés en morceaux. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a aussi. Mais je veux dire, ils ont une violence particulière, parce que la vie était violente, les bagarres étaient violentes, la violence était plus grande qu'à l'heure actuelle. Mais sans quoi, moi, je crois qu'ils étaient... Enfin, ceux qui sont rapportés sont très proches de ce qu'on peut voir. Mais on peut y lire quelque chose des interrogations sociales d'une époque. Et puis, toute cette histoire se termine à la Bastille. Elle se termine à la Bastille, vous voulez dire en 89 ou elle se termine en prison? Non, je parle de votre livre, là. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est la dernière partie qui est centrée autour d'une seule source, les archives de la Bastille. Oui. Ça se termine pour certains, en effet, à travers dans les murs de la prison, et dans une espèce de rage, je crois, pour eux, qui est celle qui est très forte à ce moment-là, de ne pas comprendre pourquoi on est mis en prison, parce que on s'est exprimé sur la société. Et m'a intéressé plus, sûrement, cette prise de conscience extrêmement forte qu'il était légitime de parler, qu'on avait droit à la parole et qu'on avait droit à s'exprimer sur, et que ne pas s'exprimer serait presque une faute, ça m'a presque plus intéressée que le contenu sur lequel les gens se sont interrogés. Parce qu'on sait bien, surtout dans la fin du 18e, quels sont les points d'ancrage sur lesquels la population s'est trouvée mécontente et en but avec ses élites et avec la monarchie. Mais plus intéressante, c'est de voir comment des gens mettent entre le roi et eux une distance extrêmement grande, une distance critique, et qu'à l'intérieur de cette distance, ils y mettent une réflexion très grande. Et ça se voit dans ces dossiers-là, parce que les interrogatoires sont menés de telle façon qui peuvent exprimer là leur surprise, être interrogés pour ça, leur revendication, leur amertume. Ils n'ont plus rien à perdre. Je crois que quand on est à la Bastille, on n'a plus grand-chose à perdre, parce que je crois vraiment que c'était pas très drôle et que on a trop dit qu'on s'était battu pour cette prisonnière. Encore un opéra, la Bastille. Ça n'est pas encore un opéra. Et puis, même si Sade y a fait une œuvre considérable, tout le monde n'y a pas fait une œuvre considérable, et beaucoup de gens s'y sont défaits. Définitivement. Et toutes ces archives ont été conservées? Oui, elles sont conservées pas toujours très bien, parce qu'il a plu, sur les archives de la Bastille. Donc, on n'a pas mis le feu, par exemple. On n'a pas mis le feu, mais comme elles ont été voulu être préservées justement au moment des grands événements, les plus difficiles de la France, eh bien, elles ont été dans des caves. Souvent, elles sont quand même pas toujours en très bon état. Et puis, ça, c'est ennuyeux. Je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais entre 1770 et 1789, il y en a presque pas. Or, c'est une période vraiment intéressante pour savoir ce qui s'est passé juste avant la Révolution. Une précision encore, Arlette Farge, malgré les sous-titres, l'opinion publique au XVIIIe siècle, vous n'avez pas cherché à construire autour de la parole populaire un discours de la globalité? Non. Non, déjà, je voulais pas faire non plus me mettre dans la perspective des origines ou de la naissance d'une opinion. Je voulais simplement retrouver des motifs autour desquels des avis sûrs pouvaient naître. Mais je voulais pas. Enfin, les sources m'ont induite à ne pas entrer dans un discours de la globalité, et surtout ne pas entrer dans ce fameux problème des origines de la Révolution française, d'une opinion qui serait montante et qui déferlerait un jour de 89. Je crois justement que 89 ne s'explique sans doute pas encore de cette façon-là, et que tout le 18e est ponctué de lieux, d'espace d'ailleurs, d'espace favorable à ce que s'élabore une pensée politique, à des moments bien particuliers qui sont d'ailleurs pas ceux qui sont forcément dans nos livres de classe, et surtout à une distance critique qui s'opère entre le roi et les personnes privées. Donc un discours de la globalité, non, parce que je crois que il n'y avait pas à en retrouver un, car il n'est pas là, mais des motifs d'opinion, des fragments qui permettent de restituer et de reconstituer des formes de pensée très élaborées. Oui. Votre problème, ce n'était pas non plus de démêler le vrai du faux. Ah non, ben oui. D'abord, c'était impossible de démêler le vrai du faux. Mais je crois que ça aussi, c'est peut-être pas très important. L'important, c'est de voir que les gens cherchent le sens continuellement de ce qu'il leur est donné à voir. Et que c'est dans ce sens qu'ils élaborent jour après jour, difficilement, entre le vrai et le faux, qu'ils construisent leur propre mode de pensée. Restons à la Bastille, Arlette Farge, c'est-à-dire assez près de la fin de votre livre, la fin de l'émission et aussi la fin d'une histoire dont vous suivez le parcours. Alors c'était relativement facile de partir pour la Bastille. Ah oui, c'est vraiment d'ailleurs totalement arbitraire, c'est-à-dire que il suffit d'un mot dit trop haut et de s'être trouvé à côté de ce qu'on appelait une mouche, c'est-à-dire un observateur de police, la plupart du temps déguisé, et d'avoir tenu quelques propos plutôt pessimistes sur un traité que vient de faire la France avec un pays étranger, ou simplement sur le roi ou sur la reine, pour effectivement se trouver sans autre forme de procès, j'allais dire, se trouver en prison sans qu'il y ait instruction. C'est-à-dire, là, il n'y a même pas une plainte portée, donc on pourrait avoir quand même un semblant de justice. C'est-à-dire que là, on peut être emmené dans l'heure qui suit à la prison de la Bastille. Alors, la Bastille, il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi la prison de Bicêtre pour les hommes, et puis la Salpêtrière pour les femmes. D'ailleurs, là, il y a autant d'hommes que de femmes enfermés pour opinion. C'est aussi une curieuse idée de croire que ce serait que les hommes qui penseraient sur les choses. Les femmes ont souvent la langue bien pendue. Oui, elles ont en plus. C'est vrai, et puis d'ailleurs, c'est vrai parce qu'elles, elles incitent souvent les hommes à la révolte. Elles sont très présentes dans la sociabilité du quartier. Donc, elles parlent haut et fort, et surtout à la reine, d'ailleurs. Elles s'adressent souvent à la reine, et elles ont beaucoup de choses à lui dire. On peut régler des comptes comme ça, alors C'est ça qui était, j'ai trouvé, qui était ce mauvais discours, comme on l'appelait. Il est aussi une façon d'aller dénoncer l'autre, c'est-à-dire que si on dit à quelqu'un si on dit de quelqu'un qu'il a tenu des mauvais propos, eh bien, celui-là est effectivement condamné à partir pour la Bastille. Mais il y a aussi quelque chose d'encore plus perturbant qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, si on touche au roi de quelque façon que ce soit, et quelquefois il arrive que si on dénonce, c'est à la fois le dénonciateur et le dénoncé qui vont aller en prison, parce que de toute façon, dire quelque chose du roi, c'est transgresser un tabou absolument énorme, et celui qui a mal dit va en prison, mais celui aussi qui a dénoncé, il lui arrive aussi d'être embarqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas à dire ce qui a été mal dit. Dire le mal dit, voilà. c'est mal dire. Voilà, exactement. C'est déjà entretenir quelque chose qui doit rester secret. Et ça, c'est très très impressionnant. Il y a une espèce de contamination. Il n'y a rien à dire. Mais en même temps, c'est paradoxal. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est complètement passionnant à avoir fonctionné. C'est que la police dit, il n'y a rien à dire du roi, et en même temps, on est tout le temps là à chercher à savoir qu'est-ce qu'on dit de lui. Donc, elle insiste finalement. Il y a un phénomène d'incitation formidable. Moi, je trouve très très intéressant de voir l'articulation qui se passe entre une monarchie qui interdit, et plus elle interdit, plus elle incite un peuple à élaborer sa pensée. Oui, vous dites qu'il y a une figure royale double qui apparaît, celle du roi menaçant, menacé. Mais oui, parce que à force d'indiquer qu'on doit l'aimer, le roi, et l'aimer dans des conditions qui sont telles qu'on n'a rien à en dire, eh bien en fait, ce roi est menaçant par cette injonction, mais ça se retourne contre lui et il devient effectivement menacé. Et ça, c'est une figure double dont il ne se méfiera pas, parce que cette espèce de rhétorique royale de l'amour du roi devient absolument intenable. Et finalement, on s'aperçoit que dans tout le long de la période, tout le long du XVIIIe, il y a un grand fantasme, un fantasme qui est mené de façon très présente et que l'on retrouve beaucoup, qui est celui de tuer le roi. Et tuer le roi, c'est bien sûr le faire mourir, mais c'est aussi être si proche de lui qu'on peut lui porter un coup, c'est le toucher. Tuer le roi, c'est toucher le roi. Et donc il y a beaucoup de gens embastillés pour avoir même rêvé, ou avoir eu des visions, comme quoi on allait leur demander d'aller tuer le roi. Mmh. Et donc c'était très intéressant de travailler sur ce motif-là, parce que je crois que dans la mort du roi, il y a aussi un désir très, très fort de fusion. Oui, pour raconter une histoire emblématique de ce mécanisme, qui est celle de Marie-Geneviève de Saint-André. Oui, c'est absolument extraordinaire, parce que elle a un rapport tel au roi que elle demande même qu'on ne lui écrive pas des nouvelles. Elle interdit même que ses proches, son neveu, je crois me souvenir, lui raconte des nouvelles, lui donne des nouvelles du roi ou lui donne des nouvelles des événements. Et parce que si jamais on prenait sa lettre, on lisait sa lettre, on verrait que elle se tient au courant, et se tenir au courant est déjà fautif. Et je crois que là, ça veut vraiment dire quelque chose de très fort. Et aussi, il y avait j'avais relevé l'histoire d'un fils qui avait accusé ses parents d'avoir voulu tuer le roi, et qui lui aussi a été entraîné dans la chute mortelle, parce que ses parents ont été emprisonnés, mais lui aussi. Donc il y a une terreur, en fait, de la contamination possible de la mort du roi, qui est présente constamment, surtout en 1757, quand Damien tentera de tuer effectivement le roi. Personne n'est à l'abri d'une dénonciation. Maintenant, surtout surtout que c'est ça la vie du XVIIIe siècle dans les classes populaires, c'est une promiscuité constante, et c'est aussi dire et bien dire et mal dire des gens qui sont à côté de vous. Donc on est sous les yeux de tout le monde, mais le roi aussi est sous les yeux. Et c'est la scène de soi, la scène de l'autre, étant le roi, qui sont constamment présentes. Mais les relations entre le roi et ses sujets vont évoluer. Oui, parce que le roi, à la fin du règne de Louis XV, dans les années 1770, le roi aura entendu quelque chose de cette critique. Et effectivement, il tente, non pas une nouvelle rhétorique, parce que celle-là ne changera pas, mais il essaie des choses beaucoup plus, d'être plus proche du roi, du peuple. Mais en même temps, puisqu'il est très craintif, il évitera constamment Paris. Et ça sera pour la population parisienne une très, très grande erreur qu'il commettra. Parce que depuis les années 1760, il ne voudra plus faire des entrées dans Paris. Il aura compris que quelque chose se passe là. Mais en s'éloignant complètement, il commet une erreur encore plus grande que celle de revenir sous les yeux de la population. Donc il y a quelque chose qui effectivement se durcit. La conclusion que vous tirez, Arlette Farge, de cette étude de l'opinion publique au 18e, est-ce que c'est utile pour aujourd'hui, cette étude? Ça, c'est compliqué de dire ça, parce que moi, j'ai toujours peur de l'anachronisme. Je pense que c'est utile, parce que il y a des tas de choses qui nous sont sûrement très familières de ces développements de l'opinion publique au XVIIIe siècle, mais je crois qu'en aucun cas c'est semblable, et que il faut pas plaquer le XVIIIe sur le XXe siècle, mais que peut-être on peut s'interroger sur le XXe à partir de ces regards-là. Mais je voudrais pas faire d'anachronisme trop rapide, et puis je crois que c'est aux gens du 20e, s'ils ont envie de lire le livre, et puis de voir si ça leur fait penser à des choses pour maintenant, mais c'est tout. Mais j'ai l'impression quand même qu'on pourrait peut-être penser à des choses pour aujourd'hui. si on pense à des choses pour aujourd'hui, j'allais dire c'est tant mieux, mais c'est pas à moi de faire ce travail-là. Je crois que c'est sûrement un livre qui est tendu aussi par le présent, ça c'est certain, et tendu par l'opacité actuelle du présent. Mais le 18e était bien opaque aussi, sauf que nous, en historien, on sait comment ça s'est fini, et au 20e, on sait pas comment c'est fini. Mais à part cette relation-là, moi, je trouve que c'est aux lecteurs, s'ils aiment le 18e, d'essayer de comprendre ou de s'interroger sur le 20e d'une autre façon. Mais c'est pas à moi de le faire. Le livre d'Arlette Farge, Dire et mal dire, l'opinion publique au XVIIIe siècle, est publié aux éditions du Seuil. Du jour au lendemain, Christian Fontaine, Bernard Treton, François Poirier, Alain Winstein, bonsoir. A été diffusée pour la première fois sur France Culture le 27 février 1992. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.